Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le moment que vous attendez, c'est l'heure de Dr Disco et Mr Funk. On va réécouter ensemble des tubes oubliés. Alors, pour la découverte du jour, j'ai choisi de vous proposer Melba Moore et son titre Love is Coming at Ya. Le morceau est sorti en 1982 et est extrait de l'album The Other Side of the Rainbows. Il atteindra la seconde place des hits US. C'était en 1982 et ça donnait ça. Look out for me. Sajet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors on passe à notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, The Weather Girl et leur titre It's a Raining Man. Lors des auditions pour son premier album, Sylvester flash sur la voix de Martha Wash. Il lui demande si elle connaît une chanteuse gospel qui lui ressemble physiquement. Cette dernière pense d'emblée à son amie d'enfance, Isora Armstead, excusez pour la prononciation. Elles deviennent ses choristes et prennent le nom de Two Tons of Fun. En 1980-1981, elles sortent deux albums et obtiennent un succès relatif. L'année suivante, Paul Jabara, auteur de Last Dance, les approche. Alors il vient d'écrire It's a Raining Man que Donna Summer, Barbara Streisand et Cher ont refusé. Elle ne croit pas non plus au potentiel du titre, mais l'enregistre quand même, des fois que. Alors Jabara va monter une équipe de musiciens et apporte sa touche concernant le son du moment. Une touche un peu disco, on va dire. Le texte est construit comme un flash météo dans lequel il est conseillé aux femmes célibataires de ne pas prendre leur parapluie car le temps prévoit une pluie d'hommes de toutes couleurs et de tout style. Dans l'introduction, elle chante « Nous sommes des filles de la météo », en anglais « The Weather Girls », un nom qu'elle décide alors de garder pour remplacer « Two Tons of Fun ». Leur titre est un cataclysme commercial d'ampleur mondiale, rien que ça. Il sera repris en 2001 par Jerry Halliwell pour le film « Le journal de Bridget Jones ». Ah bah on va aller voir s'il pleut, tiens. Alors pour notre rubrique Face B, aujourd'hui Boney M. Sunny, extrait de l'album Take the Heat Off Me, paru en 1976, est l'un des titres phares du groupe. Sunny, vous savez la reprise de la chanson de Bobby Ebb ? On en a déjà parlé, je crois. Et toujours est-il que c'est New York City qui va avoir le privilège d'être diffusé aujourd'hui, car c'est la face B de Sunny. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui connaît. Moi y compris d'ailleurs. Allez, c'est parti ! Alors c'est l'heure du maxi. L'US Navy souhaitait utiliser une chanson lors d'une campagne de recrutement télé et radio. Alors considérant le succès du groupe Village People, elle contacte le manager Henry Bellolo qui donne son feu vert pour le projet sans rétribution particulière, demandant uniquement que la Navy l'aide à tourner le clip. Moins d'un mois après, Village People arrive à la base navale de San Diego. La Navy met à leur disposition la frégate USS Reasoner, quelques avions et l'équipage du bateau, avec quand même l'interdiction express de faire danser les hommes. Alors l'enregistrement va se dérouler en 1978. Alors, néanmoins, à la suite d'une vague de protestations contre l'usage des fonds publics pour mettre au point une vidéo commerciale d'un groupe controversé, la Navy va renoncer à sa campagne promotionnelle. On peut noter qu'il s'agit du dernier single du groupe Village People à entrer dans le top 10 des charts américains. Bonne dégustation et vous l'aurez reconnu, c'est Village People in the Navy. pour la pépite, on va se reprendre une petite tranche de Barry White. Issu de son album The Right Night on Barry White, paru en 1987, Shirley White sort la même année. On retrouve donc l'artiste au premier plan après une traversée du désert au début des années 80. Ah, ce n'est pas sa chanson la plus connue, mais elle mérite d'être rediffusée à la radio. Allez, on y va, on y va! Alors on termine cette émission sur ces notes. Je vous dis bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.